Discours sur l'histoire de Charles XII. Il y a bien peu de souverains dont on dut écrire une histoire particulière. En vain, la malignité ou la flatterie s'est exercée sur presque tous les princes. Il n'y en a qu'un très petit nombre dont la mémoire se conserve, et ce nombre serait encore plus petit si l'on ne se souvenait que de ceux qui ont été justes. Les princes qui ont le plus de droits à l'immortalité sont ceux qui ont fait quelque bien aux hommes. Ainsi, tant que la France subsistera, on s'y souviendra de la tendresse que Louis XII avait pour son peuple. On excusera les grandes fautes de François Ier en faveur des arts et des sciences dont il a été le père. On bénira la mémoire de Henri IV, qui conquit son héritage à force de vaincre et de pardonner. On louera la magnificence de Louis XIV, qui a protégé les arts que François Ier avait fait naître. Par une raison contraire, on garde le souvenir des mauvais princes comme on se souvient des inondations, des incendies et des pestes. Entre les tyrans et les bons rois sont les conquérants, mais plus approchant des premiers. Ceux-ci ont une réputation éclatante. On est avide de connaître les moindres particularités de leur vie. Telle est la misérable faiblesse des hommes, qu'ils regardent avec admiration ceux qui ont fait du mal d'une manière brillante et qu'ils parleront souvent plus volontiers du destructeur d'un empire que de celui qui l'a fondé. Pour tous les autres princes qui n'ont été illustres ni en paix ni en guerre, et qui n'ont été connus ni par de grands vices ni par de grandes vertus, comme leur vie ne fournit aucun exemple ni à imiter ni à fuir, elle n'est pas digne qu'on s'en souvienne. De tant d'empereurs de Rome, d'Allemagne, de Moscovie, de tant de sultans, de califes, de papes, de rois, combien y en a-t-il dont le nom ne mérite pas de se trouver ailleurs que dans les tables chronologiques où ils ne sont que pour servir d'époque?